giro con i fra. Senti come fa, re della città, spara questi bra. Spara questi bra. Spara questi bra, giro. La notte fuori con lo squad, morire da Peter Pan. Quanto è forte, oh my god. Un Ricci, mi tocca i Ricci. Ama il mio Gucci, vuole dei figli. Allora usci, vive un cuspide, porta un whisky. 18 anni la gente mi parla in modo cortese. Mi chiamano tutte le sere, vogliono fumare a mie spese. Droga per mie spese, non arrivo a fine mese. Ne hai bisogno, sì, ora la paghi. C'est clair que je le fais de speed. C'est clair que je suce mes potes. Bien, dans la shop avec A. Je vais Boba H. Le H. Lionzon. Vito. Lionzon. Lionzon. On est taré, on fume trop de pétards la nuit. Taré, on s'en tape de l'image. Tu croisais du sucre la vie. T'as cru c'était quoi? Pas la tête qu'elle va et dure la gifle. Tout ce qu'elle veut c'est remuer son cul devant le gang. Gang, gang. C'est pas qu'elles sont flairées, elles sont étranges. Elles sont toutes bizarres. Elle veut juste fumer sur la gang. Elle veut juste se frotter au jean de mon camp. Elle va sucer fort. On dirait qu'elle le fait sans effort. Donc la toucher même va sans fleur. Quand on dégère, je suis archi mort. Je mets un temps teinté comme Sasuke. Tu nous suis, tu cherches le boucaké. T'es genre huracan. Non, on voit que t'es trop petit sommeil et des acouphènes.